Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 42. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis lavé. Pour une première fois depuis longtemps, je me présente à vous, savonné, nettoyé, récuré, de fond en comble. Je suis habillé, donc je suis prêt. Parce que, ouais, à matin, là, il commence à faire chaud. Et puis, si vous avez suivi le développement des travaux de sous-sol ici, ou écoutez mes podcasts, je ne m'en rappelle plus, je vais sûrement en avoir parlé. J'ai parlé d'un système de ventilation qu'on a dû refaire et qui a coûté une palette. Mais au moins, tant qu'à le refaire, on a aussi climatisé. Alors là, on a mis ça en branle, le système de climatisation, depuis 2 jours. Et puis, ça marche super bien. Finalement, je vais réaliser un de mes grands rêves d'avoir une maison climatisée. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie, puis moi j'aime ça bien dormir le soir au frais avec une couverte, là, tu sais, comme ça. J'ai besoin, la canicule, là, ça me tue. Comme Isaac il disait dans Castlevania, tu peux te sauver du froid en te mettant un manteau, en mangeant de la viande rouge, en partant un feu, mais tu peux pas te sauver de la chaleur. La chaleur, ça t'attaque, là, tu sais, t'es pris dans la chaleur. Puis moi, j'aime pas être pris dans la chaleur. Donc voilà, donc c'est super climatisé. Fait que là, c'est un peu trop, alors on est en train de jauger ça présentement, moi et ma délicieuse conjointe. Et puis là, il faisait ben trop fret. J'étais gelé. Donc j'étais allé prendre une douche bien chaude et puis j'en ai profité pour m'habiller pour être prêt. Parce que aujourd'hui, je veux qu'on continue de parler de ma collection Super NES. Donc on est rendu à D. Et puis, comme ça, je vais pouvoir faire un épisode un peu plus long, parce que je vais déjà être prêt pour tantôt. Parce que j'enregistre présentement, ma conjointe est au travail, et puis les enfants sont en train de manger le déjeuner que j'ai amoureusement concocté pour eux. Et puis, les écrans finissent dans 1h20 à peu près, donc voilà, c'est le temps que j'ai. Je me suis fait une belle grosse chopine de café, regardez ça. C'est beau quand même, on dirait un gros verre de coke. J'aime ça, moi, du café dans un verre transparent ou dans une tasse transparente. On voit le liquide, là, tu sais. J'aime ça. Cela dit, je suis pas un connaisseur de café du tout, du tout. Je fais juste boire du café filtre tout le temps chez nous. J'ai pas de machine, j'ai pas rien. Fait que c'est une vie de café filtre que je mène, mesdames et messieurs. Donc, on va commencer ça immédiatement. J'aurais des choses à dire, genre la réouverture de Retro Montréal et puis des trucs que vous avez vus sur ma page Facebook. Mais en fait, tu sais, j'ai genre pas mal tout dit là sur ma page Facebook, en fait. Alors, très heureux de tout ça. Si vous voulez des nouvelles, vous pouvez aller voir là. Parce que j'arriverai pas à tout dire dans mes podcasts. Il se passe beaucoup de choses ces temps-ci au niveau de la collection aussi. Vous avez vu que j'ai un sac poubelle ici par terre. Ah là, je toucherai pas à mon setup pour vous le montrer, mais il est vraiment à terre là à côté de moi, puis il est plein de jeux NES complets en boîte d'une valeur très élevée. Donc je vais ouvrir ça jeudi matin, là je suis bien excité. Peut-être que je pourrais faire un stream sur Twitch pour présenter ça. On va voir. Donc écoute, on commence un instant avec la lettre D de ma collection Super NES. J'ai eu des bons commentaires du dernier épisode, donc si vous aimez le format, ben on continue. Donc là, je me suis mis un petit Game Boy Advance ici, SP, que je vais accoter. Hey, j'ai l'air d'un gros gras, hein? Même on voit ma bedaine. Je suis pas gros, par exemple, je suis pas gros encore. J'ai pas pris de poids pendant cette pandémie à venir jusqu'à la date, donc je suis pas mal content de ma physionomie. C'est l'intérieur qui marche pas toujours bien, mais bon, ça on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, c'est ça, lettre D, et on continue en shmup, mesdames et messieurs, avec le jeu qui s'appelle Darius Twin. Donc, avec une image bien floue, ok, on va ajuster ça. Hey, let's go, là. Ça marchait bien, là. J'avais tout préparé mon setup, puis là, la floutitude, un peu. Ah, là, c'est chiant. Ça, c'est chiant. OK, là, ça y est, la caméra vient de comprendre. C'est un autofocus, hein, c'est une webcam, puis je fais ce que je peux avec ça. Donc, Darius Twin, dans le fond, que j'ai, à une certaine époque, possédé complet en boîte. Et puis, avec les années, j'avais acheté ça d'un dude à Saint-Léonard, là, dans le temps que je chassais les jeux sur Kijiji. Maintenant, je fais plus ça parce que c'est vraiment désagréable. Mais il y a des bons deals à faire, pareil que Facebook Marketplace, mais moi, j'ai plus cette patience là, du tout. C'est un schmuck de la série Darius. Je sais pas exactement, il représente lequel des Darius, le premier et le deuxième. C'est pas Gaiden, c'est sûr. Gaiden au Saturn est un que, version US, est un des derniers gros jeux US que je cherche pour le Saturn. Darius, une belle série, ça se passe en dessous de l'eau, les poissons, tout ça. C'est très beau, c'est très très beau. Et puis, c'est vrai, faut que je regarde, faut que je vous dise aussi les prix. Hein. Il faut que j'oublie mes affaires. Donc, c'est ça. J'avais revendu tout ça à l'époque en me disant « Ah, je vais juste garder les jeux que j'ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à cœur. » Finalement, je me suis repogné le jeu parce que là, je suis rendu super, très loin dans ma collection Super NES. Et puis, je suis rendu à posséder des jeux que je me dis « Bah, moi, il jouait un moment donné. Bah, c'est pas si pire que ça. » Donc, Darius Twin. Comme je l'ai dit souvent, puis je vais le dire souvent dans cette chronique, la SNES est pas une bonne console de shmup, mais ça m'empêche pas d'en avoir. Donc, Darius Twin, mesdames et messieurs, cassette seulement, on est à 25 beaux, gros et juteux dollars. Je vais juste retasser ma lampe un petit peu ici. Alright. Next. Je vais essayer de passer un peu plus vite, j'aimerais ça en faire beaucoup aujourd'hui parce qu'on a du pain sur la planche, mes chers amis. The Death and Returns of Superman, qui ne focus pas non plus. Ah, come on, man. Fuck off, fuck, fuck, fuck. Ça dépend, je pense, du artwork de la cassette. Hein? En tout cas, bref, The Death and Return of Superman, qui est un beat'em up, et puis on pourrait penser que non. On pourrait penser que c'est un platformer ou je sais pas quoi. Mais non, mesdames et messieurs, c'est un beat'em up que je n'ai pas essayé encore. Et puis, mais je l'ai payé 50$ dans le temps. Parce que j'étais rendu à genre, OK, m'a mal pogné, puis moi, il joue un moment donné. Autant que la Super NES n'est pas une bonne console de shmup, elle est une excellente console de beat'em up, à mon avis. C'est ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai juste joué un petit peu dans le premier niveau, puis that's it. Définitivement un jeu que je devrais découvrir. Publié par Sunsoft, on voit en haut sur le logo de Sunsoft, Aero the Acrobat. On va-tu mieux le voir ici? Peut-être je vais changer de caméra pour essayer de vous le montrer. C'est dur à voir, là, le petit picot rouge là, dans le coin. Là. Ça, c'était dans le temps que Sunsoft essayait fort de faire de Aero the Acrobat une mascotte officielle dans le temps où est-ce qu'on dirait que ça te prenait une mascotte pour être une vraie compagnie de jeux vidéo. Alors, désolé, Aero, mais tu t'es fait complètement skipper par Sonic et Mario t'a même pas regardé. Prochain jeu. Là, il est dans les C parce que dans la liste de mon téléphone, c'est dans les C pour Cold Shadow. Mais c'est Maui Malor in Cold Shadow. C'est un jeu, ça, que je viens tout juste d'acquérir, que j'ai pogné dans un lot chez Retro... Non, que j'ai acheté à la dernière vente, bière et cassette, que j'ai acheté à Valérie Vézina. Et puis, c'est un platformer, là. Moi, j'étais curieux de ce jeu-là. Ça avait l'air d'être un bon platformer. Et puis, c'est comme un... Je connais pas ça, OK? Mais je pense que c'est un alternate world où est-ce que Donald, il y a des canards qui sont des ninjas ou ben, des moines Shaolin, je sais pas quoi. Donc, ça résonnait bien. Il est aussi au Game Boy. Je trouvais que ça avait l'air pas pire. C'est un jeu que je voulais... depuis longtemps, j'ai pas eu le temps. Je l'ai essayé comme 2 minutes, puis je dois dire que j'ai été un petit peu ébranlé. Finalement, peut-être que ça sera pas si bon que ça. On va voir. En tout cas, il est dans ma collection et ça vaut 31 tomates, mes chers amis. Et voilà. Donc là, le prochain jeu, c'est vraiment de la merde, mais c'est de la merde avec un beau nom. Alors, je voulais avoir ça dans ma collection. Il s'agit de l'épouvantable Double Dragon 5 de Shadow Falls. Donc, ouais, ça c'est à l'époque où est-ce que Street Fighter était big. Ben, c'est encore très big là, mais où est-ce que tout le monde pensait qu'il devait faire un jeu de fighting sur une console 16 bits pour faire de l'argent. Alors, les pauvres gens de chez Technos y ont embarqué dans le bandwagon, malheureusement, pour nous offrir un des pires jeux de combat de tous les temps. Vraiment laid. Vraiment... Ben, il est pas si brisé que ça, par exemple. Parce que... Ce qui est brisé, par exemple, c'est mon hostie de focus. Hey, c'est poche, ça. Tout allait bien, man, tantôt. Tiens. OK, j'espère pas trop gosser là-dessus, là. Mais ouais, Double Dragon 5 est une catastrophe. Et puis c'est sorti sur toutes les consoles, c'est sorti même sur Jaguar, puis des affaires de même. Et puis c'est vraiment... C'est ça, c'est un jeu de combat. Il aurait jamais dû faire ça. Tout comme il aurait jamais dû faire le jeu de combat avec Street Fighter 5. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Avec Castlevania Judgment. Excusez, je fais plusieurs choses en même temps dans ma tête. Somme toute, par contre, j'ai joué beaucoup à ça pour l'avoir loué quand j'étais jeune. J'ai comme, non, c'est Double Dragon, il y a du bon là-dedans, il y a du bon là-dedans quelque part. Et puis, j'ai eu des moments corrects, là. C'est pas la pire calamité au niveau du gameplay, mais c'est juste très laid, puis ça n'a aucun attrait, là. C'est pas le fun, là. Donc, cette chose-là... Là, j'ai ça dans ma collection, moi, parce que... parce que ça vaut rien, ça vaut ben 20$. Et puis, parce que entre chummy, on aime ça se battre à des jeux de combat, puis pourquoi pas avoir celui-là, là, tu sais. Prochain jeu est un jeu que je vais probablement jouer à ma retraite chez Arcade Soleil. Il s'agit de Dragon View. Ça, c'est un action RPG, si je peux dire. J'ai de la misère à le décrire un peu. Et puis, ouais, j'aime le cover, j'aime le stance du personnage in-game, je trouvais ça beau. Il y avait un beau... c'était bien couvert aussi dans le Nintendo Power, j'ai des amis qui ont joué à ça, qui ont bien aimé. Donc, c'est ça va être un jeu de longue haleine. C'est pas pour moi tout de suite, je connais vraiment pas beaucoup, mais je voulais l'avoir quand même dans ma collection. Et puis, c'est ça, ça va venir. Mais ceux qui s'y connaissent, je pense que c'est... C'est pas genre la suite de Draken, hein? Me semble que c'est de quoi de même, là. Parce que Draken, c'était épouvantable, là. Mais ça, c'est comme une suite. Et puis, c'est fait différemment. Et beaucoup mieux fait, beaucoup plus intéressant. Donc, Dragon View, ça vaut combien? Ça vaut de quoi, par exemple? Moi, je prédis 70. Loose, oh shit! 120$. OK? J'ai l'impression que ça l'a monté, ça, depuis le temps. Il y a des jeux de même aussi que je veux dans ma collection quand ils passent entre les mains, hein, parce que j'ai le feeling ou que je pense que c'est une bonne affaire à avoir parce que ça prend beaucoup de valeur. Parlant de prendre la valeur, voici un jeu Super NES que beaucoup de monde considère comme un grand chef-d'œuvre et je n'ai jamais joué. Il s'agit de Evo, The Search for Eden. Search for Eden, voilà. Et, ben, Evo, puis, là, on est... Ah, ben oui, le prochain. Et le prochain jeu, c'est deux jeux que j'ai dans ma collection sans y avoir joué, mais juste à cause du hype qui est autour, tu sais. Puis, je suis tombé dessus à un moment donné, à bon prix, genre, peut-être 20$ de moins que la valeur dans le temps. Et puis, éventuellement, j'ai fait un upgrade aussi parce qu'il en est passé entre nos mains chez Retro Montréal. Donc, me voici en possession d'un très beau Evo. Et puis, je vais y jouer un jour. Ça, je suis plus hypé de jouer à ce jeu-là qu'un RPG pour l'instant parce qu'il y a du développement, tu sais. Puis, ça a l'air assez unique et puis très cool. Je suis bien content d'avoir ça. Je ne cherche pas ces eBay, par exemple. Ça, c'est sûr. On va voir combien ça vaut, ça. 205$ d'après Price Charting. D'après moi, ça pourrait être un peu plus que ça. Là. Je me demande si à une époque, c'était pas genre 120$ cette affaire-là. Bon, l'autre jeu qui est dans la même catégorie pour moi en ce qui me concerne, pour ma collection personnelle, il s'agit de Earthbound, bien sûr. Jeu que je possède juste pour le hype qui est autour, que j'ai eu à bon prix aussi dans le temps parce que vous voyez qu'il y a une petite écorchure là, dans le top du label en haut. Bon, on s'éternisera pas là-dessus. Earthbound, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est la plus belle chose qu'il y a au monde. Il n'y a rien de plus beau que ça, c'est la plus belle chose, c'est bon. Et ça vaut, d'après Price Charting, maintenant 315$, donc 320. Fuck, man, ça va, ça a donc bien monté, ça aussi. C'est un jeu à 120$, ça, il n'y a pas longtemps. Je pense que le COVID ici a fait jumper solidement les... ouais, c'est ça, je regarde ici, 160, 168 en juillet... Il était, d'après Price Charting, en tout cas, le plus haut qu'il a été avant, 180, 200 en février 2013, 200$. Après ça, ça s'est maintenu, 192, après ça, ça a droppé, ça a été un drop à 130$ en janvier 2019, c'était le temps de l'acheter, 147, et puis là, ça remonte, au-dessus de 200$ à la... ça a plus bougé que je pensais, Earthbound. Dans ma tête, ça bougeait pas. COVID change les choses dans l'univers du jeu vidéo, laissez-moi vous le dire. Bref, surveillez. Ça, c'est comme les actions, hein? C'est comme les stocks. Surveillez les stocks pour voir la valeur de vos affaires. Earthworm Jim, mesdames et messieurs, on est rendu comme par magie dans l'univers des E, avec un label avec beaucoup de blanc dessus, donc j'ai de la misère à faire le focus. Et voilà. Ah, Earthworm Jim, un jeu qui m'a transporté quand j'ai découvert ça pour la première fois. J'ai adoré ce jeu-là, j'ai beaucoup joué, j'ai jamais réussi à le finir dans le temps. Faudrait que je m'y remette, j'imagine. Et puis, un jeu assez unique, hein, vous savez ce que c'est, hein, j'ai adoré ça. J'ai bien hâte de voir le nouveau Earthworm Jim à l'Intellivision Amico, mesdames et messieurs, qui va sortir à l'automne. Parce que vous savez que Tommy et puis les gens de Earthworm Jim à l'origine, Tommy Tallarico, vont faire un réel nouveau Earthworm Jim qui sera sur l'Amico. Un vrai jeu, là, pas un port, un vrai nouveau jeu dans la série, exclusif à l'Amico, du moins pour commencer. Donc, écoute, en attendant de recevoir ce grand opus, ce jeu-là a tout starté, et puis faut que c'est un jeu très important dans l'univers des jeux vidéo. Faut avoir joué à ça, à mon avis. Et puis, Earthworm Jim, loose. Ouais, j'ai pas mentionné si j'avais loose. À date, c'est tout loose, là, ce que je vous présente. J'ai pas les boîtes pour ça. J'ai déjà eu la boîte d'Earthworm Jim... mais j'y tenais pas assez, donc j'ai décidé de la vendre. Elle était très belle, mais j'ai mieux focusé mon argent de boîte, mon argent de carton sur des items que j'ai un peu plus à cœur quand même. Donc 35$ pour Earthworm Jim, mes beaux amis. Combien j'ai dit? T'as vu, Earthworm Jim, 35. Excusez, ma souris a sacré le cœur. Bon, ben bien sûr, le prochain jeu, ça sera pas compliqué, c'est Earthworm Jim 2. Et voilà, qui est très bon. Encore une fois, c'est comme le premier, mais avec plus de stock, là, finalement. Donc, très bien réalisé, Earthworm Jim 2. Rien d'autre à dire là-dessus, ça vaut 32, donc 35. Les deux Earthworm Jim semblent avoir la même valeur, ce que je trouve un peu weird, mais bon. En tout cas, fait que voilà, Earthworm Jim 2. Aussi bon que le premier. Bon, là, on rentre dans des affaires là, qui me tiennent à cœur. Ce jeu-là, que j'ai complet en boîte, bien sûr, on rentre dans les F et ça commence en force avec un de mes plus grands jeux à moi, un de mes jeux préférés de tous les temps. Il s'agit de Final Fantasy 2 au Super Nintendo, 4 au Japon, si vous préférez. Les aventures de Cécile, mon pote, le Black Knight, le Black Knight. Et puis, quel grand jeu! J'ai découvert les RPG, moi, avec ce jeu-là. C'est le premier RPG, à part avoir testé les cochonneries sur le NES, là, tu sais, quand j'étais ben trop petit pour comprendre. J'ai jamais touché à des RPG, sauf ça, quand je suis... Ça, j'étais adolescent, là, je skatais, j'avais dans secondaire 3, 4, la... 3. La vie était bonne dans ce temps-là. On se faisait du fun. Et puis, quelqu'un qui m'a prêté ça, j'avais plus rien à jouer. Je serais pas allé vers ça naturellement, mais là, j'avais comme rien à jouer. Quelqu'un m'a prêté ça. Je me suis dit, j'ai du temps. Moi, essayer ça. Puis, j'ai été comme transporté dans ce jeu-là. Là. C'est tellement bon. La musique, le scénario, c'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour ça. C'est dans mon top 10 de mes jeux préférés ever. Des jeux, du moins, qui ont eu une importance dans ma vie, s'il faut faire un top du genre. Excusez, ma souris, en tombant par terre, a eu une commotion cérébrale. Et puis, j'essaie de la ranimer. Ah oh, ouais, ma grosse. Voyons. Excusez-moi, hein, ça fait pas de la bien bonne TV, mais... OK, connecté, finalement. Final Fantasy 2, donc. Ah, oh, c'est dur à taper. Y en a-tu des Final Fantasy, hein? Final Fantasy 2 Super Nintendo, complet en boîte, ça vaut 160$. Mais moi, j'ai toutes les maps, toute la boîte est spick and span, parfaite, coupante. Bien sûr, c'était très important pour moi. Donc, ouais, c'était mon entrée de jeu dans les RPG. J'ai joué à des RPG autant de la Super NES et PlayStation 1. C'est les deux seules consoles pour lesquelles j'ai joué des RPG. Et j'ai pas joué à Final Fantasy 7. Fait que pour moi, le plus grand Final Fantasy, c'est celui-là. Ben, plus grand. On va parler du prochain, qui est Final Fantasy 3 ou Final Fantasy 6 au Japon. Donc, après avoir eu tant d'amour pour Final Fantasy 2, lorsqu'on le 3 a été annoncé dans mon jeune temps, je l'ai acheté. Et puis, j'ai absolument rien à dire sur ce jeu-là. Pur chef-d'œuvre. La seule raison pour laquelle je préfère le 2 avant le 3, c'est parce que le 2 est arrivé dans ma vie avant le 3. Si j'avais commencé avec le 3 et j'avais jamais joué à rien que Final Fantasy, sûrement que le 2, je m'en foutrais. Mais le 2, il est venu comme se loger dans mon cœur. Fait que vu que mon cœur était déjà pris, le 3 est arrivé et il était comme... Je sais pas, hein? C'est comme t'as une blonde, là, d'une fille, tu sais, avec qui t'es en amour, ben raide. Puis là, il y a une autre comme super belle fille, tu sais, qui a tout pour elle, mais pourtant... Elle t'accroche pas, là, tu sais, tu sais pas pourquoi. Là, t'es comme, non, je pense que j'aime mieux l'autre, tu sais. Elle a quelque chose. Final Fantasy 3 a tout pour être un masterpiece, puis c'en est un. Mais, malgré tout, je préfère le 2. Mais, tu sais, j'ai joué à Final Fantasy 3 pendant des heures et des heures et des heures. J'ai grindé tous mes personnages à 99 en les équipant des bons espers, en allant chasser dans la petite forêt pleine de dinosaures puis de brachiosaures qui font météores puis Ultima. Donc, j'ai les bonhommes fighters, je les ai équipés des espers qui boostent l'attaque, qui boostent la magie pour Strago puis tout le monde. Bref, mon équipe était comme overpuissante. Là. C'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois, bien sûr, parce que la première fois, il y a des personnages que j'avais pas découverts, genre Umaro. La deuxième fois, j'avais laissé crever Shadow alors que je savais pas qu'on pouvait le sauver. Des fois, j'ai comme sacrifié au Colisée des armes que j'ai comme, ah, j'aurais dû les garder. Donc, c'est un jeu qui peut... C'est ça qui est un peu tannant dans ce jeu-là. Des fois, il y a un point de non-retour sur des choses. Puis, c'est ça. Ça te fait refaire le jeu quand même. Là. Donc, chef-d'œuvre qui vaut... Un chef-d'œuvre qui vaut au complet 220$. Ça, c'est un autre jeu que j'ai complet, map et tout, et tout, et tout, et tout. Parfait, parfait dans ma collection, bien sûr. La cassette est bien pesante, là. Elle est plus lourde que les autres. Elle est bien pesante d'heures de gameplay, j'imagine. Un jeu que j'ai fait dernièrement dans un stream, Final Fantasy Mystic Quest, qu'un de mes amis possédait quand j'étais jeune, et puis... Après avoir fait les deux autres, moi j'ai eu du plaisir à jouer à Mystic Quest. J'en ai eu encore à le faire dernièrement. C'est très très très simple. Et puis on dit que les Japonais voulaient faire un Final Fantasy facile pour les Nord-Américains. Si c'est le cas, fine. Je me sens pas insulté du tout. J'aime la pochette. J'aime ce jeu-là. La musique, le soundtrack est vraiment vraiment vraiment bon là-dedans. C'est pas un jeu qui a une grande valeur, mais c'est un jeu très très très overlooked, à mon avis. Ça mérite qu'on l'essaye. Mystic Quest, vois-tu, sur Price Charting, il y a 15$. Il me semble que c'était plus haut que ça avant. Peut-être parce que j'en ai parlé, ça a fait baisser. J'ai joué, le monde m'a vu, c'est de la merde, ah, ça a fait baisser le prix. Non, mais sérieux, il me semble que c'était au moins 25$ ce jeu-là. En tout cas, chez Retro Montréal, on le vend plus cher, désolé. Ça vaut plus que 15$ à mon avis. Là, on rentre dans une série très intéressante. Oui, c'est très intéressant. Beat'em up, encore une fois, le premier Final Fight, Final Fight 1. Ah, ça, Final Fight à l'arcade, c'est moi, quand j'ai joué à ça, je capotais. Il y avait ça à mon petit centre d'achat à Saint-Joseph-de-Beauce. Une place où est-ce qu'il y avait une arcade en rotation, puis on a eu Final Fight pendant un bon bout de temps, même que j'ai capoté là-dessus, là, mais tellement, là, j'ai mis du cash là-dedans, là, j'y pensais le soir, j'étais comme, oh, que, faut que j'aille jouer, c'est que c'est bon, là, c'est malade, je sacrais pas quand j'étais jeune. Là, quand la Super NES a annoncé qu'elle allait avoir ça, ça y est, je peux jouer à ça chez nous, ça va être fou raide. J'ai pas acheté le jeu, j'ai loué le jeu parce qu'il était disponible au club vidéo d'abord. Et puis moi, mon bonhomme, c'était... Moi, je l'appelle Guy, OK? Il y en a qui disent Guy, moi c'est Guy, parce que ça a été Guy, puis that's it. Donc, Guy n'était pas dans le jeu. Quelle déception! J'aurais pu faire avec les autres, bien sûr, parce que Agar est vraiment le fun à jouer. Mais on peut même pas jouer à deux dans ce jeu plein de ralentissements. C'est tellement une déception, ce jeu-là. Tu sais, c'est bien fait, puis tout, mais... T'as pas le feeling, l'arcade correct, c'est pas pareil. T'sais, le meilleur feeling, ça doit être Final Fight CD au Sega CD. Je pense que ça doit être la meilleure version. Cette version-là, comparée à l'arcade, en tout cas, est quand même très décevante. Il n'y a pas ce qu'il faut dans ce jeu-là. Fait que au final, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, puis ça n'a pas révolutionné ma vie du tout. Mais l'arcade, oui, par exemple. Et puis ça vaut Final Fight au Super Nintendo, ça vaut 20$. Quand même intéressant à voir dans la collection. Donc on continue dans les Final Fight. Of course, Final Fight 2. Moi j'ai pas joué à ça depuis beaucoup d'années. Et puis je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là par contre. Mon collègue de Rétro Nouveau, Fred Gémus, vous aura fait remarquer sur la page Facebook de Rétro Nouveau que dans le background du cover de Streets of Rage 1 au Sega Genesis, il y a beaucoup d'éléments repris de la pochette de Final Fight 2. Donc l'angle, la petite personne dans l'égout, là, ici, là, puis... En tout cas, par la fenêtre. Bref, il y a bien du meurtre sur cette... Il y a des affaires aussi, la position de la personnage féminine. Donc, bref, ça a été repris. C'est très drôle. Et puis, moi, je trouve que Final Fight, après le 1, si on parle des autres qu'il y a eu au Super NES, se sont transformés. Je pense pas qu'il y a eu ça à l'arcade, Final Fight 2 ou Final Fight 3 ou aucun autre Final Fight. Fait que ça l'a pris des libertés, puis c'est allé un petit peu plus loin. Je trouve que c'est moins arcade un peu, mais c'est mieux pour les consoles. Ça fonctionne mieux, à mon avis. Puis ça, c'est un bon jeu. J'ai eu du fun avec ça. Le 2, il vaut 60$. 60 beaux dollars. Le 3, Final Fight 3, est à mon avis le meilleur de la série au Super Nintendo. C'est le retour de mon boy Guy qui est là. Et puis, écoute, c'est des personnages, à part Guy, pour lui c'est une première dans le fond. Dans le 2, il y avait juste des nouveaux personnages. Dans le 3, il y a encore des nouveaux personnages. Donc, beaucoup de nouveaux personnages. Mais là, je vous dis ça, j'ai pas joué depuis super longtemps. Peut-être qu'il y en a des. C'est sûr qu'il doit y avoir des affaires qui se répètent. Là. Je vois la grosse police là, sur le cover qui est comme un boss du 1 là, finalement. Donc, moi, le 3, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, puis je pense qu'il vaut son pesant d'or. Ça vaut la peine d'avoir ça dans une collection excellente, Beat'em Up, qui est à 125$, donc 130$ à peu près. Je suis content de payer ma copie. Elle a de l'air maganée là, à cause de la lumière, mais elle ne l'est pas vraiment, ou très peu, puis j'ai payé ça à 90$, donc c'est très bien, ça. Et le dernier, oui, car il reste un Final Fight. de la série au Super Nintendo. Et ça, c'est un jeu qui a une bonne valeur. Final Fight Gi. Alors, même affaire que Final Fight 1 au Super NES, mais au lieu d'avoir Cody, il y a Gi dedans. That's it. C'est tout. C'est ça, c'est poche. Ils n'ont pas rajouté un 2-player, ils n'ont pas rien. Non, ils ont juste mis Gi dedans et voilà. Un jeu qui fonctionne quand même très bien, à mon avis. Pour avoir joué, je l'ai rejoué un peu celui-là. Je me suis dit, je vais essayer de me rendre loin, tu sais. C'est dur, man. C'est quand même très dur, ce jeu-là. Je vois pas comment on peut finir ça sans crédit illimité, là, à moins d'y jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les boss, ils nous massacrent, disons. Donc, je suis très fier d'avoir ça dans ma collection. Tantôt, j'ai oublié de mentionner toutes les Final Fantasy, y compris Mystic Quest, j'ai ça complet en boîte. Les Final Fight, j'ai failli eu envie de le faire, parce qu'on a eu toutes ces boîtes-là, éventuellement, chez Retro Montréal, même Final Fight Guy. Mais je me suis dit non, je prends aucune de ces boîtes-là, parce que si j'en ai une, je vais vouloir avoir l'autre, je vais vouloir avoir l'autre, puis là, ça va coûter bien trop cher, donc j'y tiens pas vraiment pour l'instant. On verra. Mais ouais, ce jeu-là, mes beaux copains, ça vaut 260 tomates, donc c'est pas donné, mais c'est une très belle pièce de collection, à mon avis. Moi, je suis bien content d'avoir ça. Prochain jeu, on continue dans les F. Un jeu que mon ami, le King de Saint-Eustache, m'a conseillé, puis j'ai bien essayé de jouer à ça tout seul, Fire Striker, qui est un genre de Brick Breaker avec une twist. Et puis, c'est vraiment fucké. La pochette est vraiment laide. Et puis, c'est un jeu, ça, qui paraît prend tout son sens en co-op. Paraît que c'est vraiment trippant. J'ai malheureusement pas eu d'amis pour jouer à ça. Quand j'en ai eu, j'ai pas pensé à jouer à ça. Donc, c'est à découvrir. Je l'ai essayé tout seul, puis je trouvais ça weird, puis j'étais comme pas trop embarqué. Mais je pense que j'ai mal joué, puis j'ai pas exactement compris la mécanique, là. Mais c'est un jeu qui vaut définitivement la peine d'être testé, en tout cas. Et puis, à deux, pareil, c'était cohérent, puis il y a bien du fun à avoir. On verra. C'est un jeu que j'ai acquis tout récemment. Donc, je ne saurais vous en dire plus. Allez voir du gameplay. Ça vaut 105$ quand même. Ça a monté cette affaire-là. Prochain jeu dans les F encore. Un jeu que Mike Mattei, le buddy du Angry Video Game Nerd, m'a fait découvrir il y a plusieurs années. Il s'agit de Firepower 2000, publié par Sunsoft. C'est un shmup dans lequel tu peux être un genre de tank ou tu peux être un genre d'hélicoptère. Et puis, Mike avait vanté les mérites de ce jeu-là, comme plusieurs autres d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'y croyais, parce que j'étais assez d'accord avec les choix de Mike d'habitude. Et puis, ce jeu-là, sans être un grand jeu, est un jeu plaisant. Qui peut jouer à deux. Étrangement, pour activer le deuxième player, il faut faire une twist de bouton. Là. C'est vraiment de la merde. Là. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Mais bref, c'est un peu compliqué, mais on peut jouer à deux. Là. Inquiétez-vous pas. Donc, musique correcte, graphisme beau. Je suis un peu gêné de dire que je l'ai vraiment pas assez essayé pour pouvoir me prononcer comme il faut sur ce jeu-là. Mais malgré tout, qui dit Hidden Gem, Shmup, dit « va dans la collection à Baba Gassette », donc ça c'est sûr, ça vaut 30$. 30$. Un jeu qui augmentait un petit peu avec le temps. Bon, là ici, là, le prochain jeu, on rentre dans les G, comme par magie. Et puis ça, c'est un excellent jeu, pour vrai de vrai. C'est un très bon jeu que vous devriez tous avoir dans votre collection. Il s'agit de Goof Troop, Disney's Goof Troop. Donc, il y a eu un cartoon de Dingo. J'imagine que c'est basé sur le cartoon. Il y a eu des films de Dingo aussi dans le temps. Donc, fut une époque où est-ce que Dingo était en fire. Et puis, ils ont fait ce jeu-là, Capcom, qui est un jeu, c'est un top view puzzle action. Puzzle action game, dans le fond. C'est le même que je dirais. Où est-ce que tu pousses des blocs pour activer des mécanismes? Où est-ce que quand, mettons, le petit bonhomme, il va plus vite, mais il ferait moins mal, il y a un truc spécial, Dingo, il va moins vite, il peut lever les blocs. Bref, les deux personnages se complètent pour réussir tous ces petits puzzles-là vu en top-down pour finalement arriver à des boss. Sérieux, ce jeu-là, c'était cœurant. C'est vraiment, vraiment bon. Vous qui cherchez tout le temps des bons jeux en co-op, là, ça, c'est le best des best. C'est vraiment plaisant. C'est pas trop long, c'est pas trop difficile. Je pense pas que je serais capable de jouer avec mon fils de 7 ans encore pour l'instant parce que il y a des bouts il y a quand même des bouts un peu durs. Mais moi, j'adore ce jeu-là. Je trouve ça parfait. C'est sympathique, le graphisme est beau, il n'y aurait absolument rien à redire. Très bon jeu. Ça vaut 25$ et je l'ai complet en boîte. Ajoutez ça à vos collections, les vieux. J'allais dire les jeunes, mais si vous écoutez ça, vous êtes. Si vous écoutez mon podcast, vous êtes sûrement déjà un peu vieux. Autre shmup de Super NES, bon celui-là, Gradius 3. Peut-être mal aimé par les amateurs du genre à cause des ralentissements qu'il y a dans ce jeu-là, et il y en a beaucoup. Mais graphiquement, le jeu est superbe. Musicalement, c'est incroyable. La pochette est malade. Excellent jeu dans la série. J'aime beaucoup Gradius, moi personnellement. J'adore ce jeu-là. Et puis ça, c'est un bon shmup de la console. J'ai pas réussi à le finir. Je me rends au dernier niveau où est-ce que tout va super vite. Puis oh my god, c'est dur. Mais ça c'est bon. Moi j'aime ce jeu-là. Et puis c'était early release quand même à l'époque de la Super NES. Là, je me rappelle dans les Nintendo Power, c'était sorti assez tôt. Donc voilà, peut-être que si ce jeu-là était sorti un peu plus tard, il aurait pu corriger les ralentissements et tout, mais bref. Donc ça vaut une vingtaine de piastres, c'est un jeu que j'ai complet en boîte et comme j'aime beaucoup regarder la boîte de jeu là, parce que je trouve ça badass, je trouve ça bon et j'adore ça. Je parle beaucoup, hein. Je vais continuer mon café qui s'en vient très froid. C'est pas grave, on est encore dans les G. Et maintenant, on y va avec un platformer qui est la suite d'un autre. Vous connaissez sûrement Mickey and... attendez, j'essaie de faire le focus. Magical Quest starring Mickey Mouse, qui va être dans les M dans le fond. Donc ça c'est la suite, donc ça va venir avant en ordre alphabétique. C'est The Great Circus Mystery featuring qui? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Starring Mickey and Minnie. Bon. Alors voilà. C'est un platformer où est-ce que Mickey et Minnie là-dedans aussi maintenant. Ce costume. Bon, ok, j'ai pas vraiment joué à celui-là. Pardon, j'ai beaucoup, beaucoup joué au Magical Quest par contre. Mais la mécanique, c'est que tu pognes des costumes et puis tu te changes. Dans le premier, tu te changes en pompier, puis là, soudainement, ça fit que dans ton niveau, il y a du feu partout. Tu sais, après ça, tu te changes en Robin des Bois, tu te changes en The Fly pour pouvoir platformer comme convenablement dans ce qu'on te demande dans le niveau. Là, tu sais. Donc, c'est un peu ça la mécanique. Ça ne joue pas en co-op en même temps, me semble, celui-là. Mais c'est un très très bon petit platformer, sérieux, très bien conçu. J'ai pas joué à lui de façon sérieuse, donc je pourrais pas vous dire, mais je pense que ça ressemble pas mal au premier. Là, ça doit être très semblable. Je l'ai complet en boîte parce qu'à un moment donné, j'étais au Mercado à Longueuil et puis il y avait une boîte là, pas trop maganée. Fait que j'ai pu comme l'aplatir au fer à repasser et tout, puis je m'en suis sorti pas pire. Donc c'est joli d'avoir les deux platformers de Mickey et du Super Nintendo complet en boîte. Parce que j'ai Magical Quest complet en boîte. Donc ça, mes copains, ça vaut 25$. Et puis, d'après moi, vous aurez du plaisir avec ça. Prochain jeu, un étrange shmup. C'est un shmup? Non, c'est un run and gun. C'est un genre d'étrange run and gun qui s'appelle Gun Force, justement, publié par Irem. Que je viens juste d'acquérir ce jeu-là. Paraît que c'est pas pire. J'ai jamais vraiment joué. J'ai juste testé très vite à un moment donné sur une flashcard. Et puis, j'avais pas été outre mesure transporté. Mais à un moment donné, il est passé chez Retro Montréal. Fait que j'ai décidé de me le garder. Et puis, j'y jouerai plus tard. On verra bien. Je peux pas rien vous dire de plus. Mais c'est ça. C'est un run and gun qui me semble les contrôles. Il y a une twist d'inversion. Là, t'sais, alors, ça demande un peu d'apprentissage, mais il paraît qu'une fois que tu as appris tout ça, tu as bien du plaisir. Donc, Gun Force, ça vaut 25$. On s'en va dans un tout autre range de prix avec ce qui est probablement le jeu le plus cher de la librairie Super NES. Il s'agit de Haganeh, ici. Et vous voyez, mon Haganeh, il y a une petite écorchure. C'est très difficile d'avoir un Haganeh pas magané. C'est ça, on se fait des jokes de même entre amis. Un Haganeh magané ou un Haganeh pas magané. J'ai un Haganeh pas magané, à part la petite affaire qu'il y a là. Que je pourrais mettre du feutre peut-être juste pour comme masquer, mais je préfère pas y toucher, je vais le laisser comme ça. Donc moi, c'était pas dans mon but. J'ai tout le temps voulu avoir cette grosse cassette-là dans ma collection. Et c'est un jeu magnifique, mais très difficile. Parce que toutes les, c'est un action platformer, hack and slash, ninja, badass, cyborg. Écoute, ça a tout pour plaire, ce jeu-là. Mais man, c'est tough. Puis tous les boutons sur la manette servent à quelque chose. Il y a comme trop d'options d'attaque dans le jeu-là, ce qui fait que c'est comme... Ça me rebute un peu, personnellement. Il va falloir que je joue à ça de façon sérieuse, éventuellement. Ça, c'est sûr. Mais pour faire une histoire courte, ce jeu-là, sur Price Charting, il est à 768 maintenant. C'en est un jeu là, qui bouge beaucoup. Des fois, il est proche de 1000. D'un coup, il drop dans les 750-800. Donc là, je dirais présentement, moi, j'arrondirais ça pour une belle copie, certainement à 800$. Oh, hey, je vais m'étirer. Et puis... Je ne voulais pas dépenser de cet argent follement pour acquérir ce jeu-là. Cependant, j'ai fait un label upgrade à un moment donné de mon Flintstones Surprise at Dinosaur Peak au Nintendo, qui est le deuxième Flintstones, donc un jeu très rare, très dispendieux sur cette librairie-là, qui a à peu près cette même valeur-là que Haganeh. Et puis, j'ai communiqué, je me rappelle pas sous quelle forme, peut-être c'est lui qui m'a poké directement, avec monsieur qui gère le Spoutnik de Alma, un gars avec qui j'ai transigé, j'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes auparavant, un gars avec qui j'ai déjà transigé des grosses cassettes de NES et puis qui avait été très cool, ben très cool dans le sens qu'il m'avait pas volé mon argent, alors qu'il aurait pu. Fait que, oups, excusez, ma chaise à craindre. Et puis, c'est ça. Donc, on a eu des communications. Il voulait un Flintstones. Il y avait ce Haganeh-là depuis un bout. Moi, mon Flintstones, j'arrivais pas à le vendre, étrangement. Il était même pas si scrap que ça. Il était moins beau. Parce que j'ai fait un upgrade, mais il était quand même bien correct. Puis, ça vendait pas. Donc, on a fait un échange. That's it. J'y ai shippé mon Flintstones. Il m'a shippé ce Haganeh. Et c'est comme ça que je suis entré en possession de cette belle cassette-là, qui était une belle petite fierté, quand même. Très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà, donc ça c'est une belle prise ça, les amis, c'est comme ça que j'ai acquis, pas acquéri, hein. C'est comme ça que j'ai acquis ce jeu. H, donc là on tombe dans les I avec un autre shmup, il y en a quand même beaucoup des shmups on va se le dire. Celui-là est un jeu qui étrangement a de la valeur, ça s'appelle Imperium, c'est un... Il me semble que tu peux te morpher en vaisseau, en robot, je me rappelle plus trop, là. C'est publié par Vic Tokai. Et puis, c'est un jeu, ça, que je pensais qu'il valait rien à l'époque, parce qu'il m'en a passé quelques-uns entre les mains, sans crier gare. Mais finalement, là, Price Charting est à 65. Mais là, il s'est passé de quoi ici en 2016? Parce qu'à un moment donné, il était à 100... En 2015, il était rendu 100$ ce jeu-là. Puis là, il a rebaissé. Il était très bas. Ouais, ok, attends. En 2013, 15$, 15$. 2014, 15$. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, man. En septembre 2015, il est passé de 24$ à 92$. Fait que là, ce jeu-là, il a pogné un pic de malade. Puis moi, c'était à ce moment-là, pas mal. J'imagine que je l'ai pogné parce qu'il valait cher. Puis je l'ai pas payé cher. Puis là, il descend. 70, 64, 68, 65, 50, 50, 40. Là, on est 45. Il a droppé. D'après moi, il va redropper beaucoup. Donc, ce jeu-là est un piège, mesdames et messieurs. Payez-le pas cher parce que c'est un jeu qui a monté d'une coche. Quelque chose s'est passé cette année-là, puis ça a comme boosté sa valeur sans que ça ait vraiment de valeur, à mon avis. Donc, c'est un jeu, d'après moi, qui va plutôt se maintenir comme c'est là, dans les 50-60. C'est un shmup intéressant, par exemple. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai testé ça, mais il est assez unique en son genre, donc je vous dirais d'aller voir du gameplay. D'après moi, ça vaut la peine. Prochains deux jeux, ce sont des platformers que j'ai acquis récemment de chez Retro Montréal. Inspecteur Gadget, publié par Hudson Soft, comme Hagané, que j'avais pas dans ma collection, mais comme je le dis souvent, je suis rendu à me garder ces petits jeux-là comme ça, de platformers qui ont de l'air pas pire dans ma collection, voir que ça donne, c'est joli, j'ai jamais joué, j'ai regardé du gameplay, ça a de l'air correct, ça vaut 30$, j'y jouerai à un moment donné, donc un petit platformer. Prochain platformer, celui-là j'y tenais un peu plus, et puis c'était dans mes plus hauts de ma wishlist présentement, de Super NES, et puis comme par magie, il est apparu il y a quelques semaines chez Retro Montréal, quelqu'un nous a vendu un lot et il était dedans. Il s'agit de Jetsons au Super Nintendo. C'est The Jetsons Invasion of the Planet Pirates. Donc, platformer très cool, où est-ce que notre ami George Jetson est équipé d'une genre de balayeuse, aspirateur, je sais pas quoi, s'en sert pour coller au plafond, pour gosser avec les ennemis. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je l'ai testé rapidement. C'est un jeu, ça, qui a une bonne valeur aussi. Je regarde les courbes là, sur Price Charting. C'est très intéressant. Donc, ce jeu-là est rendu à 80$. Je le pensais un peu moins cher que ça, mais coudonc. Il a pris de la valeur. Faut croire, il a monté en valeur beaucoup. Ça a l'air d'être un très cool platformer. Donc, je suis bien content d'avoir ça dans mes collections. Là, on est en K. On est rendu dans les K. On y va avec un jeu magnifique. Un jeu de la trempe des jeux que c'est comme... Il me semble que ça doit être bon, ça. J'aimerais savoir ça dans ma collection. Il s'agit d'un... Attendez, j'essaie de faire le focus, là. Come on. OK. Il s'agit... Excusez. Il s'agit de Kendo Rage, un jeu publié par Seta. Seta, c'est, quand tu vois ce logo-là, c'est hit or miss, mais c'est quand même correct. Et puis, je connais rien le jeu-là, vraiment. Mais ce que je sais, c'est que je le voulais dans ma collection parce que ça avait l'air badass, parce que ça avait l'air de venir d'un jeu japonais que je ne connais pas, mais ça a l'air d'être... C'est ça. Au Japon, il y en a des milliers de jeux comme ça, je suis sûr. Et puis, je ne sais pas c'est quelle série exactement. Mon ami Terminaslot, Carl, pourrait me le dire. Mais je suis sûr que c'est une série japonaise qui a été portée au Super Nintendo nord-américainement de façon un peu cheapass avec un cover moyen. Mais ça a l'air bon. Et puis, je regardais du gameplay, ça avait l'air intéressant. Donc, je le voulais dans ma collection. C'est définitivement un jeu que j'ai juste comme, quand il m'a passé entre les mains, je suis comme, ah, yes, enfin, clac, je l'ai pris, je vais essayer ça à un moment donné. Et je ne l'ai pas essayé encore. Mais j'ai bien. Je devrais m'y mettre bientôt. C'est un jeu qui vaut 50$. Bien content d'avoir ça. Prochain jeu que tout le monde connaît. On est dans les cas, donc Killer Instinct. Au Super Nintendo, la version Super Nintendo, la meilleure version, tant qu'à moi. Parce que ça existe au Game Boy, hein, cette affaire-là. Puis ça, c'est assez atroce, les jeux de combo Game Boy. Là, j'essaye de faire le focus, ça marche moyen. Ok, voilà. Belle cassette noire dans le temps, t'as une cassette noire, c'était fou ça. Là, j'ai découvert ça, moi, sur console. J'avais jamais joué à l'arcade de Killer Instinct avant même qu'on ait l'arcade chez Retro Montréal. Chez Arcade Montréal. C'est mélangeant, tous ces Montréal-là. Et puis, j'ai capoté. Mon personnage était Thunderhawk. J'aurais bien voulu que ça soit Jago, mais il va mal, je trouve. Je n'étais pas habitué avec les personnages qu'on crinque là, les deux secondes puis tout ça. Ben, quoi que ce jeu-là, ce n'est que ça, là, finalement. Mais non, j'ai comme tout le monde, j'ai comme, oh, badass, tu sais. Ça m'a pas. Cette série-là m'a pas fait capoter autant que quand j'ai découvert Street Fighter et ou même à Mortal Kombat à l'arcade. J'ai trouvé ça crissement plus hot. Mais c'est très bon, c'est bien plaisant. Donc écoute, ça prend ça dans la collection. J'ai joué beaucoup avec mes amis quand j'étais jeune. Donc on a eu bien du plaisir avec cette cassette qui vaut 20$. King of Fighter, non, pas du tout, King of Dragons, excusez. Quand on dit beat'em up, encore une fois, en voici un bon. De Capcom, où est-ce que... Moi, j'avais vu ça dans le Nintendo Power, j'étais, ah, ça tombait de l'air bon, ça. Et puis, c'est un beat'em up médiéval, où est-ce que t'as un magicien, un elfe, un fighter. Il y a une classe nouvelle que je trouvais vraiment cool, un clerc, un cléric, là. Un clerc, donc, qui est un espèce de gros dos en armure avec une massue toute blanche. Je dis, wow, il est badass, ce personnage-là, je voulais vraiment l'essayer. Ah, il y a un nain aussi, il y a un nain, qu'on ne voit pas, on voit pas le clerc ni le nain sur la pochette. C'est un jeu que je n'ai pas complet en boîte, mais j'aimerais vraiment ça, par exemple. Il en a passé entre nos mains chez Retro Montréal, et puis la boîte n'était pas assez belle, donc j'ai pas fait. J'en ai vu passer dernièrement aussi sur Facebook, j'ai pas été assez vite, mais ça vaut assez cher, hein, ça. Et puis, je suis rentré en possession de ce jeu-là, moi, de façon totalement... hasardeuse, dans une vente de garage dans mon ancienne maison il y a plusieurs années, où est-ce que dans une petite rue d'Hochelaga proche de chez nous, il y a quelqu'un dans sa cour qui vendait des jeux de Super NES, et puis il y avait ça, et puis il y avait d'autres affaires, où j'ai acheté 2-3 jeux, il y en avait une pleine tablée, plein de jeux que je voulais pas, tu sais, puis c'est à l'époque où est-ce que je commençais à vendre plus sérieusement ou à checker pour ça, fait que finalement je suis comme, crime, je vais tout acheter. Et je vais revendre, je vais me repayer mes jeux avec ça. Donc, King of Dragons a fait un peu partie de ça. Donc, j'ai payé ça probablement 10$ et puis à l'origine. Et puis maintenant, Loose s'est rendu 85. Donc, mais c'est très bon, très plaisant. Étrangement, j'ai plein d'amis qui ont réussi à finir ce jeu-là. Puis moi, j'ai jamais réussi. C'est assez gênant, il va falloir que je m'y mette. Prochain jeu, on rentre dans une belle petite série de Nintendo. Il s'agit de Les Kirby. Donc, je vais aller passer vite parce que, encore une fois, j'ai aimé de dire que j'ai même pas joué à aucun des Kirby au Super Nintendo. Je les possède seulement. Je les ai vus passer avec le temps, je les ai acquis. Et puis, j'y ai pas joué. Alors, ils sont juste sur la tablette pour là. Ça viendra, mais moi, quand il y a des Kirby sur une console, j'aime ça les avoir. Donc, Kirby Superstar au Super Nintendo, qui est le jeu de mini-game. Chose qui me... J'aime moins ça, ça me passionne pas vraiment ces minigames-là. Attends un peu, c'est Superstar SNES. Mon clavier fait du bruit, hein. Ça vaut 50$. Donc, il y a sûrement plus que juste des minigames là-dedans. Il y aura un moyen d'avancer, là, je sais pas. Bref, voilà, un premier Kirby. Un deuxième Kirby, il s'agit de Kirby Avalanche, qui est un certainement, d'après le cover, là je sonne très noob en vous parlant des Kirby que je ne connais pas. Donc Kirby Avalanche, qui doit être, d'après la pochette, un Tetris-like, là, je sais pas quoi, que j'ai jamais joué. Kirby Avalanche, combien ça vaut ça maintenant? 20$! Ça doit être celui qui vaut le moins cher de la gamme. Kirby's Dream Course. Ah, ça, c'est comme un jeu de course, justement. C'est quasiment comme un jeu de karting, hein, non? De Kirby, me semble, à ce qu'on m'a dit. Donc, je l'ai dans ma collection. J'ai jamais joué. Ça m'intéresse pas tant non plus. On va voir comment ça coûte. Combien ça vaut. The Kirby Dream Course, ça vaut 35$, quand même pas si mal. Et le premier, non le moindre, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui a le plus de valeur, ça je le sais. Il s'agit de Kirby Dream Land 3. Dans le fond, moi, dans la série Kirby, ce que j'aime, c'est les platformers. Donc, Kirby's Adventure au Game Boy. Voyons, Kirby Dream Land au Game Boy, Kirby's Adventure au NES, Kirby Dream Land 3. J'ai jamais joué à Kirby Dream Land 2, mais sûrement que c'est excellent. Kirby Return to Dream Land sur Wii. Tu sais, moi j'aime les jeux de Kirby qui sont des jeux, tu sais, de plateforme dans le fond. Donc celui-là, je l'ai essayé un peu. Étrangement, il était slow. Il me semble qu'il était très slow, puis c'est comme, hein, je suis pas habitué à ce que ça soit slow même un jeu de Kirby. Ça mériterait que je m'y remette éventuellement. Donc, Kirby Dream Land 3, ça vaut cher. Ça vaut 120$ et puis c'est difficile de le trouver en bon état. Le mien est dans un état correct, mais ça pourrait être mieux. Mais c'est pas... je vais dormir la nuit quand même. Prochain beat'em up médiéval de Capcom, lui aussi, qui étrangement à l'époque du Nintendo Power était un peu vendu en même temps que King of the Dragons. Il s'agit de Knights of the Round, qui est très semblable. Il y a trois personnages seulement. Par contre, Arthur qui est balancé, Lancelot qui est rapide, et puis Perceval qui est slow mais qui frappe fort. Donc classique dans sa forme, très très très bon. Celui-là, je l'ai complet en boîte et puis je l'aime beaucoup. Ça vaut de quoi ça là? Ben pas mal comme... ça vaut loose 90, moi je l'ai complet, c'est 280. Et puis tout comme King of the Dragon, c'est deux jeux je trouve qui se parlent, qui sont très semblables d'une certaine façon. Donc, ça vaut la peine de les avoir les deux, à mon avis. Moi, je suis très content d'avoir ce jeu-là. C'est super bon. Et maintenant, on va dans les M. On commence les M. Ça va bien. Avec un jeu que j'adore, qui, je trouve, les gens jouent pas assez à ce jeu-là. Il s'agit de Legion. Non, on n'est pas dans les M, excusez. On est dans les L. Ah, c'est bon vieux Legion de quelque chose. Legion of the Mystical Ninja, qui est un top-down à plusieurs niveaux. Pas top-down, mais comme un action, un jeu d'action. Je sais pas comment l'expliquer. Avec des niveaux de profondeur. Un peu beat'em up, dans le fond, comme style. Et puis, où est-ce que t'as beaucoup de magasins, de mini-games, et puis t'as des niveaux après ça de plateforme 2D carrément. Excellent soundtrack, magnifique graphisme, un jeu qui est sorti tôt sur la console. Et puis, moi j'ai joué à ça très tôt, dans le fond, quand la Super NES venait de sortir, et puis j'ai adoré ça. Je trouvais ça difficile, ça joue en co-op à deux, super le fun. Donc c'est Goemon, il y en a qui pensent peut-être que c'est arrivé au 64 en premier, ça, et non. Et puis, anyway, c'est big au Japon. Ici, ça a été, je pense, l'un des premiers jeux feature ce Goemon-là. Et puis, c'est très bon. Moi, sérieux, il y a du stock dans le jeu-là. Vous jouez à ça, vous en avez pour un bout. C'est un bon repas, copieux, léger en même temps, plaisant. C'est un bon moment, ce jeu-là. Moi, je recommande ça à tout le monde. Je l'ai complet en boîte, mais ça fait pas longtemps que je l'ai complet en boîte. Je cherchais boîte et livret de ça depuis un bon bout. Puis étrangement, à un moment donné, paf, j'ai eu comme deux opportunités, une après l'autre. Ce qui est poche, c'est que je l'ai acheté. Puis après ça, une autre opportunité moins chère s'est présentée. J'étais comme, ah, fuck, ça c'est dommage. Mais bon, l'important c'est de l'avoir. Loose, ça vaut 50$. Complet en boîte, 165$. Très, très, très bon petit jeu d'action. Un autre jeu de co-op qui vaut vraiment la peine. Un peu plus difficile que Goof Troop, bien sûr, mais en même temps très différent. Bon, là, le prochain jeu, on n'a pas besoin d'en parler pendant longtemps. Zelda, A Link to the Past. Ben, je vais pas parler du jeu, vous savez tous ce que c'est. Moi, j'ai découvert ça, comme vous tous, à sa sortie dans le temps. Et puis, waouh, hein, j'ai tellement joué à ça. Puis, j'avais pas de moyen de trouver, j'avais pas d'indice autre que ce qu'il y avait dans le jeu. Puis j'ai joué à la version française aussi plus tard quand c'est sorti. Un de mes amis avait acheté ça. Bref, mais ça n'a rien changé vraiment. J'ai des débuts où est-ce que j'étais pris. J'ai pas tout trouvé, mais c'était juste un plaisir là, après souper de redescendre en bas puis de partir le Super NES puis jouer pendant 2-3 heures puis chercher puis s'amuser avec ça. Quel grand jeu! Jeu légendaire, bien sûr. C'est vraiment. J'ai, comme vous tous, j'ai adoré ce jeu là. Et puis, ça vaut combien, ça? Ça vaut 45$. Super Nintendo, ici, sur Price Charting, il est 36. Je sais qu'on le met plus cher que ça chez Retro Montréal, parce que localement, il se promène à bien plus cher que ça. Super Nintendo, faut regarder ça. Il y a le prix Price Charting, il y a le prix du marché local aussi, puis faut élever nos prix un peu, parce que sinon, les scalpers nous achètent tout notre inventaire et vous allez le racheter à eux autres. Plus cher que notre prix qui est un petit peu plus cher que Price Charting. Fait que on essaie de se maintenir là-dedans. Il y a des jeux comme ça qu'il faut vérifier. Mais ouais, grand classique. Je l'ai complet en boîte aussi, bien sûr, en parfaite condition. À un moment donné, j'ai racheté toute la collection NES, et puis plusieurs objets, et puis des jeux de Super NES à Jean-François Dupuis de Collector Vision. Et puis ça, c'était à l'époque, là, où, après le Funzo, au début de mes premiers balbutiements d'avoir un local commercial pour travailler puis faire mes propres soirées. Donc c'est ça, il nous avait beaucoup aidé en nous vendant tout son stock. Puis lui, étrangement, à chaque fois qu'il y avait une copie de Link to the Past, il a gardé dans sa collection, fait que j'en ai eu comme 6 d'un coup. Fait que j'ai gardé la plus belle, tu sais, dans le fond, j'ai complété en mettant toutes les inserts là dedans, fait que ma copie est vraiment spick and span, vraiment belle. J'ai pas la version française, par exemple, j'y tiens pas vraiment. Ça me suffit, là, d'avoir la version anglaise, moi, personnellement. Ouais, ça vaut 140$ CIB, mais dans l'état que je l'ai, certainement que je monterais ça à 160 facile. 180 même à voir. Même je suis sûr que j'aurais pas de la misère à la vendre à 200 sur eBay, mais ce n'est pas ce que je désire. Prochain jeu, c'est très bizarre. C'est un jeu, ça, que j'ai acheté dans le temps, qui avait un marché aux puces à Carignan, sur la rive sud. Que je m'ennuie de ce marché aux puces-là. Marché aux puces extérieur. Il y avait un petit chalet, je sais pas quoi, où est-ce qu'il y avait du monde qui vendait à l'intérieur, mais moi j'y allais pour l'extérieur. J'ai fait des bons deals à cette place-là, j'ai trouvé plein de jeux, c'est vraiment cool. Ça, c'était dans le temps que c'était plaisant, game chaser, des marchés aux puces, là, tu sais, où est-ce que c'était. Il y avait moins de monde dans le game et puis c'était possible de faire des bons coups. Donc ce jeu-là, il vient de là. Mais ça, c'est pas ce que j'appellerais un bon coup de Lost Vikings. C'est un jeu intéressant où est-ce que t'as trois Vikings dans le fond que tu changes d'un à l'autre et puis chacun a ses forces. Donc, mettons, il y en a un qui peut bloquer des ennemis, des flèches avec son shield. Pendant ce temps, tu le laisses parquer devant un ennemi qui tire des flèches automatiquement. Pendant ce temps-là, t'en as un autre qui peut passer en arrière, descendre une échelle, il va aller appuyer sur une switch. Après ça, tu changes pour l'autre que t'as laissé dormir, l'autre, il peut passer. C'est un jeu de stratégie de plateforme où est-ce que tu utilises tes trois personnages comme trois ressources différentes pour passer à des places et activer des switches. Chacun peut faire ces choses-là. T'sais, c'est un peu puzzle action platformer, si je peux dire. Donc, très intéressant concept. Un jeu pas mauvais du tout. Ça, c'est la surprise. Ce jeu-là, moi, j'ai payé ça 5$, là, t'sais, on s'entend. Mais j'aurais pensé que c'est un jeu qui vaut... il vaut plus que... Ouais. Ici, sur Price Charting, il est à 37, donc on va dire 40. Mais je sais qu'il était plus élevé que ça, ce jeu-là. Le 2 au Super NES, ça existe, il est à 70. Mais c'est un jeu dans son pic qui a monté plus haut que ça, en tout cas. Bref, c'est un jeu qui me surprend de par la valeur qu'il a. La valeur qu'il a pris, moi personnellement, je pensais qu'il était plus haut que ça, en toute franchise. Là. OK, 40$ quand même, bon. Ben, c'est mieux que rien, hein? C'est pas ça qui va envoyer, c'est pas avec ça on va me payer une Ferrari en revendant ce jeu-là. Mais d'après moi, il est à 50, là, 60 présentement. Donc, en tout cas, c'est un jeu qui a pris de la valeur, et puis je ne comprends pas pourquoi. T'sais, c'est pas spécial tant que ça, mais c'est bon. Le prochain, qui est un jeu que je mets presque un peu dans la même... Ben, c'est pas le même style du tout, mais j'ai comme envie de le mettre un peu dans la... Là, il est sale, hein? C'est très gênant, excusez. Hein? C'est comme si vous voyez mes bobettes sales à terre sur le plancher en rentrant chez nous. Magic Sword au Super Nintendo, qui est aussi un jeu d'arcade, qui est de type médiéval, puis de mop, mais pas tant de mop que ça non plus. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, il rentre avec Knights of the Round puis King of the Dragon. C'est tout du Capcom médiéval cool. Et puis ça, c'est tu montes une tour dans le fond, qui doit être la tour de Babel, j'imagine, j'ai oublié. Et puis tu pognes des compagnons régulièrement, tu les changes les uns pour les autres. Et puis chaque niveau est comme un étage de la tour, là, finalement. Il y a des boss et tout ça. C'est un jeu très bon, très le fun. Je trouve que les gens, ça, ils en parlent pas beaucoup de ce jeu-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié dans le temps quand je louais ça au club vidéo. Pas chez Madame Oiseau, par exemple. Un autre, club vidéo Dawson. On les salue. Et puis, ouais, très bon jeu. Un peu, qui passe inaperçu, un peu overlooked à mon avis. Ça mérite d'avoir sa place dans une collection, ça c'est certain. Donc, ça vaut 30$ d'après Price Charting. Là, ma copie, ouais, c'est parce qu'elle est maganée un peu. C'est pas qu'elle est sale, hein. Ça va me prendre un petit upgrade de ça, éventuellement. Donc, le prochain jeu, j'en parlais tantôt. Magical Quest starring Mickey Mouse. C'est le platformer, dans le fond, qui vient avant Magical Circus. C'est ça? C'était ça le titre, là? The Great Circus Mystery, excusez. Compliqué, là, ces titres-là. Appelle ça Mickey 1, Mickey 2, puis Mickey Mania, que je ne possède pas parce que c'est plat. Mais Magical Quest, platformer, que tu te déguises, et puis il est plus... il me semble qu'il est plus simple que l'autre dans son approche, celui-là. J'ai loué ça dans le temps. Early Super NES aussi, il me semble. Oh, ça fait du bruit. J'ai une table en plastique à cette heure. Ça fait vraiment du bruit. Et puis, ouais, très très bon, très beau. Des gros sprites, là, de la couleur. C'est facile. Mais tu peux le mettre à beaucoup plus difficile aussi, si tu veux. Puis ça devient vraiment plus difficile. Donc, très très bon jeu que j'aime beaucoup, que j'ai complet en boîte. Magic Sword, je ne l'ai pas complet en boîte, mais j'aimerais vraiment ça, par exemple. Ça va venir un jour. Mickey, j'ai complet en boîte. Donc, loose, on parle de 25$. Complet, on parle de 70$. Excellent platformer, ça vaut la peine. Là, on rentre dans le stretch Mega Man. Et on commence ça en force avec Mega Man 7. Ma copie est jolie. Et puis, il y a beaucoup de hate sur le Mega Man 7. Beaucoup de monde disent, il est poche. Moi, je le trouve correct. J'avais loué dans le temps, j'avais eu du fun, c'était Mega Man. C'est pas badass comme le X, peut-être parce que X est sorti, puis là c'est comme yeah, c'est cool, tu sais. C'était que ça avait comme pris une coche de maturité dans le look, puis dans l'action, tu sais. Puis là tu retombes avec le 7, là c'était pout, des gros sprites, tout ça. Mais ça demeure un Mega Man qui fait la job amplement, à mon avis. Il vaut très cher celui-là, 230 sur Price Charting. Je l'ai loué seulement, je dirais pas non de l'avoir complet. À un moment donné, complet, on parle de 450, donc à peu près 500, j'imagine. C'est beaucoup d'argent, on verra si l'opportunité se présente. Mais moi, je trouve que c'est un jeu, ça, qui est bon, et puis qui mérite pas tout le hate qu'on lui octroie. Prochain jeu, Mega Man Soccer. C'est un jeu pas bon, mais c'est Mega Man, et puis ça le prend dans une collection. Donc, j'ai joué un petit peu à ça, mais pas vraiment là, pour me forcer, là, je vous dirais. M'en fous pas mal de Mega Man Soccer. C'est un jeu qui vaut 62 sur Price Chart, donc certainement 70. C'est pas commun. Et puis, c'est une drôle d'idée de faire un jeu de soccer de Mega Man, mais écoute, ça existe, puis ça le prend sur les tablettes. Donc, il est sur ma tablette, et puis je jouerai jamais à ça de ma vie. Bon, là, vous devinerez les trois prochains. Mega Man X, quand c'est sorti, ça, man, je capotais ma vie. J'étais abonné à Nintendo Power, et puis le Nintendo Power qui annonçait Mega Man X était comme Silver. Il y avait une cover spéciale Silver. Et puis là, je regardais ça, j'étais « Oh my God, j'ai assez hâte de jouer à ça, je capote, ça va être fou raide. » Et puis, j'ai capoté et c'était fou raide. Quel grand jeu, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Écoute, un des meilleurs Mega Man, certainement. La musique est écœurante, le platforming est parfait, le dash, tout. Chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui vaut 30-40$ loose. Moi, je l'ai complet. Et à complet ici, ils nous le mettent à 110. Moi, j'ai une version magnifique et parfaite de ce jeu-là. Donc, écoute, excellent jeu. Mega Man X2, j'ai moins joué à celui-là, mais je l'ai quand même fini, là, ça c'est sûr, dans le temps. Mais j'ai pas rejoué là, dernièrement. Ouais, j'ai pas rejoué depuis genre 2004. J'essaie de faire le focus, là. J'ai pas rejoué depuis 2004, certainement, ce jeu-là. Je me rappelle plus trop. Mon ami Michael Baroque Larouche est un spécialiste Mega Man X. Donc, ouais, tout comme le premier, très bon jeu, avec un peu plus de stock dedans, un peu plus de variété, un peu plus dur. Est-ce que c'était nécessaire ce qu'ils ont rajouté dedans? Je sais pas. Mais, écoute, si t'as aimé le premier, tu vas aimer le deuxième, c'est bien certain. Je l'ai complet en boîte aussi. Loose, on parle de 120. Et puis complet, on parle de 370. Donc ça commence à monter. Donc un très bon jeu. Maintenant, un très gros jeu ici, Mega Man X3, qui qui doit être sorti pas mal tard sur la console, que moins de gens ont joué, que je possède, complet en boîte, que j'ai racheté à un ami qui a décidé de vendre sa collection Super NES. Donc j'ai dit « Check, il me manque juste le 3, je vais y acheter ». Et puis je n'ai même jamais joué à ce jeu-là, mais la musique de séquence d'intro, par exemple, est vraiment badass. Ça, j'adore, j'écoute ça dans mon char. Donc la cassette seulement, 240$. D'après moi, c'est plus que ça quand même. CIB, on est à 560. Donc certainement 600. Mais ça, me demande si j'ai pas vu ça passer à 800 à un moment donné. Excusez, je m'étire. Ouais, fait que ça, c'est vraiment du collectionnel. Non, c'est pas vrai. Je vais jouer à ce jeu-là, parce que c'est sûr que c'est bon. Là. Je sais pas c'est quoi les nouvelles mécaniques du 3 par rapport aux deux autres. C'est sûr que c'est un excellent jeu. C'est pas juste pour la collection. Mais disons d'avoir... C'est parce que j'avais les boîtes du premier et du deuxième. T'sais. Fait que même, j'avais même pas le choix d'avoir la moindre du troisième quand elle s'est présentée. Fait que là, ça m'a coûté cher, tout ça. Mais je suis bien content d'avoir ça. Je vais y jouer un jour. Je suis sûr que c'est bon. On achève pour aujourd'hui, on est dans M et puis on va faire N, j'ai pas beaucoup de N et puis il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux total, fait que moi j'ai plus de voix. Prochain jeu, grosse cassette, Metal Warriors, un jeu de Konami, publié par Konami, en tout cas je sais pas si c'est développé par Konami, peut-être. C'est un jeu dispendieux de la console, ça. Metal Warriors, ça vaut 250$. J'aimerais ça avoir ça complet aussi, juste parce que c'est très beau sur la tablette. J'étais un peu gêné de dire que j'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là. Je l'ai testé un peu pour me rendre compte que ce n'est non seulement un jeu d'action avec des mechs et tout ça, un peu à la Cybernator, si je peux dire, mais avec beaucoup d'éléments RPG-esque, genre. Fait que là, j'étais comme « Ah, c'est un gros dossier! Je sais pas si je peux m'attaquer à un si gros dossier maintenant! » Donc, je l'ai repoussé toujours un peu à cause de ça. Mais somme toute, très fier d'avoir ça dans ma collection aussi. Je me rappelle plus quand ou où. Oh! Un instant. Je suis absolument désolé, guys. Ça l'a sonné à la porte. Et puis, mes enfants étaient un peu désemparés. Alors voilà, Metal Warriors, grosse cassette, content d'avoir ça dans ma collection. Je vais jouer un jour, peut-être un peu plus vers la retraite, là, quand la vie va être plus tranquille. Mais magnifique item, vraiment. On en a un chez Retro Montréal, le label est déchiré par exemple. J'avoue que c'est moins plaisant d'avoir des grosses cassettes à label déchiré, mais quand même. Donc c'est pas gênant. En fait, c'est très gênant de montrer tous ces jeux-là. J'aurais pu avoir un gros char avec ça, mais j'aime mieux avoir des cassettes. Je peux jouer avec beaucoup et puis les flatter. Ben, je peux flatter mon char, mais les chars, ça perd de la valeur et les cassettes, ça n'en prend. Alors, mais c'est pas juste pour ça que j'achète ça. J'achète ça parce que j'aime ça. Contrairement à bien du monde qui font de la revente de jeux, qui jouent jamais, qui ont pas de collection de jeux chez eux. Moi, c'est ça que je trouve plate. On dirait qu'on... Il n'y a pas assez de monde qui aime les jeux vidéo, qui font le commerce des jeux vidéo. Il y a tellement de peddlers là-dedans, puis de monde qui ne mérite pas du tout d'être là-dedans. Rien. C'est un pays libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut, là, mais c'est plate là, que l'argent ait comme un peu scrappé le hobby de ce jeu-là. Puis il y en a qui sont là-dedans pour les mauvaises raisons. D'abord, je suis là pour l'argent. Je fais pas. Oubliez pas. J'ai un magasin de jeux vidéo, c'est pas genre pour pas être rentable. Je veux faire de l'argent avec ça. Mais j'ai un magasin de jeux vidéo parce que j'aime les jeux vidéo, tu comprends? J'aurais pas un magasin de bonbons parce que j'ai une passion pour les bonbons. Dans le sac des bonbons, j'aurais jamais de magasin de bonbons, même si les bonbons, c'est payant, tu sais. La différence est là. Bon, hey, on se vide le cœur. Mighty Morphin Power Rangers. Cool, beat'em up, ça, mon ami, c'est juste 2D, that's it, pas de profondeur, rien, simple. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, je l'ai essayé direct de même, par rapport, puis là, finalement, c'est pas mauvais, hein, puis j'ai continué, puis je l'ai fini, puis ça a pas été si long, ça a été une très jolie expérience. Bien du plaisir à avoir avec ça, et puis je me rappelle plus combien ça vaut Super NES. Mighty Morphin, Power Rangers, Super Nintendo, celui-là, il vaut 20$. Donc, très très bon petit beat'em up, sérieux. Si vous voyez ça passer, celui-là, il vaut la peine. Même pas besoin d'aimer la série. J'aime pas, je suis pas amateur de Mighty, de Power Rangers. Je connais rien des Power Rangers. J'ai jamais écouté une émission. Je sais que ça existe. J'ai déjà écouté un petit peu, voir ce que c'était. Mais je connais pas le nom de personne. Je sais rien du tout. Mais je sais que ce jeu-là est plaisant. Et ça vaut 20$. Et on m'a dit que Mighty Morphin Power Rangers, The Movie, était meilleur encore, plus complet et tout ça. Donc ça, c'est un label pas beau, hein, mais ça vient d'un pawn shop. Hein, je les ai bien lus là-dessus. Celui-là, il vaut plus cher. Il vaut 45$. J'avais vraiment pas payé ça cher au pawn shop. Là. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai jamais joué à celui-là encore. Mais il paraît qu'il est très bon. Et puis, meilleur encore que l'autre. Fait que je vais y jouer à un moment donné. C'est tout pour les Power Rangers au Super Nintendo dans ma collection. Il existe aussi Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition, il me semble. Ça a un autre nom, en tout cas. Il y a un jeu de combat de Power Rangers au Super NES que peut-être s'il me passe entre les mains, je vais le garder dans ma collection, mais c'était vraiment les gros robots qui se battent, là. Donc ça m'attire un peu moins comme gameplay en toute franchise. Prochain jeu, Mortal Kombat 2. Ça, j'ai ça dans ma collection purement si j'ai des amis qui viennent à la maison et qui veulent jouer. Moi, je jouerai jamais à ça. Fun fact, par exemple, Mortal Kombat 1, j'ai capoté là-dessus quand c'est arrivé, ben, en arcade, quand je voyais ça, à Old Orchard Beach. Et puis, quand c'est arrivé sur console, j'ai loué, j'ai adoré, j'ai demandé à Noël, j'ai reçu, j'ai joué à Mortal Kombat 1 en fou. Même s'il n'y avait pas de sang, le gameplay était bien plus tight sur Super Nintendo. Vraiment. Soyez pas des haters. C'est bien le fun, le sang du Genesis, mais au Super NES, c'était bien plus tight, le gameplay. Donc, le 2 était excellent. Le 3, j'avais adoré aussi. Bref, fut une époque où est-ce que, comme tout le monde, j'aimais bien Mortal Kombat. Mais là, moi, je joue plus à Mortal Kombat. C'est fini, ce trip-là, dans ma vie. Puis, la série continue à bien aller et tout, puis c'est toujours très populaire chez Arcade Montréal, mais moi j'ai terminé avec ça. Je garde ce jeu-là juste dans ma collection si j'ai des amis qui viennent. Il y a un autre jeu qu'on va voir dans deux jeux que c'est la même chose. Attends un peu. Comment ça vaut ça? Mortal Kombat 2 SNES. Ça vaut 20$. C'est ça que ça vaut, 20$. Ça, c'est un jeu d'une série que j'aime bien, Mr. Do. Mr. Do, que j'ai découvert au ColecoVision, chez mon ami Cédric. Salut, Cédric! Que j'essaie de faire un focus. Et ça focus pas. Ah, let's go, man. Ah, les technologies. Je vais vous montrer le cover, en fait. Parce que vous allez savoir c'est quoi Mr. Do en voyant le petit bonhomme, probablement. Ah, là, j'ai vraiment de la misère avec mon focus. Ça s'en vient. Ben, vous le verrez. Ah, je l'ai, là. OK! Pas facile. Mr. Do, The Arcade Classic, donc c'est un jeu d'arcade qui a été porté à l'origine sur les vieilles consoles Coleco, Atari 2600, Intellivision, non, mais au NES, même pas. Je me rappelle pas d'avoir vu des versions, peut-être là sur des Amiga ou whatever, Atari ST, là, les vieux micro-ordinateurs, j'en ai aucune idée. Mais moi, à part Atari et Coleco, j'ai pas vu ça avant. Et puis, c'est très cool. C'est un jeu d'arcade à la... Comment le dire? À la Ladybug, à la Pac-Man, à la... Où est-ce que tu ramasses des patentes et puis tu as une petite balle que tu peux lancer. Qui... À la Dig Dug un peu aussi, en fait. C'est un mélange de Dig Dug... C'est un jeu qui ressemble à Dig Dug, pas mal. Où est-ce que tu creuses d'une certaine façon, puis tu ramasses des fruits, puis ça fait une petite musique. Puis tu as une balle que tu peux lancer pour tuer les ennemis qui te courent après. Donc, c'est bien sweet, et puis je pense qu'il me semble... Ah, regardez, Mr. Do, Coleco, Commodore, Game Boy, c'est vrai, je l'ai au Game Boy, ce jeu-là, MSX, Super Famicom, Atari 5200. Ah, il y a Mr. Do's Castle aussi, mais là, on est ailleurs. Là. No One Can Stop Mr. Domino. Ça, ça doit être autre chose au PlayStation 1. Mais celui-là, au Super Nintendo, ça vaut quand même 55$, là, quasiment 60$. Donc, d'après moi, c'est, ça ressemble à la version arcade, mais boosté un peu. Il doit y avoir de la profondeur là-dedans. J'ai pas joué encore parce que je viens juste d'acquérir ce jeu-là dernièrement. Là, ça fait vraiment pas longtemps dans un lot de Rétro Montréal. Donc, à suivre. Mais moi, quand on parle d'arcade, de petits classiques d'arcade comme ça, ça me fait toujours plaisir. Ça, c'est l'autre jeu que j'ai dans ma collection juste pour la visite. NHL 94. Le meilleur NHL, d'après tout le monde. Et puis, écoute, personnellement, vous pouvez rire de moi, mais j'ai de la misère à comprendre comment NHL 94 est si tant supérieur aux 13, aux 15, tu sais. Il doit pas être si différent. Moi, j'ai découvert NHL Genesis avec le 13 dans le temps. Fait que chez des amis, j'ai jamais possédé ce jeu-là. J'étais pas très bon. Encore aujourd'hui, je suis nul. Donc, je peux pas vous dire, mais bon, tout le monde dit 94, fait que 94 dans ma collection pour la visite, ça vaut 15$. Quand on fait des tournois chez Arcade Montréal de NHL de ces époques-là, c'est sûr qu'on prend toujours le 94. Genesis au Super ou Super Nintendo, obstinez-vous. Sega CD serait sûrement la meilleure option, mais bon. Prochain jeu, très grosse cassette et en même temps très très décevante cassette. Il s'agit de Ninja Gaiden Trilogy. Ça, là, ça c'est du late release de Super Nintendo. Et puis, quand j'ai vu ça dans le Nintendo Power, j'étais comme « Wow! Mais j'ai donc bien besoin de ça, dans, moi, dans ma vie! » Parce que j'avais joué plus au NES dans le temps, mais joué au Super NES. Puis là, j'étais comme « Hey! Les trois jeux sur la même cassette, c'est donc bien incroyable! Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça avec Contra, Castlevania, puis tout? » Bref, ils l'ont fait avec Ninja Gaiden. Mais ce jeu-là est décevant au niveau de la musique. Oh, c'est mauvais, là. T'as pas meilleure musique que Ninja Gaiden au Super NES. C'est badass. C'est tellement bon. Puis là, là, ils ont tout transformé la musique en mettant de la bonne vieille trompette de Super Nintendo. Au Super Nintendo, comparé au Genesis, c'est reconnu comme les soundtracks. Il y a de la trompette. Il y a comme de la trompette, souvent. Des fois, ça fit. Des fois, c'est correct. Mais là, ça marche pas. Ils ont scrappé le soundtrack 100%. Ils ont refait le graphisme, qui est bien correct. Ils ont aidé sur certaines choses, dont dans Ninja Gaiden 3, ils ont mis des continues illimitées, chose qui fait du bien parce que c'est un jeu très difficile au NES. Et puis, ils méritent d'avoir... Les deux premiers ont des continues illimitées, mais pas le 3, tu sais. Fait qu'ils ont corrigé ça, mais ils ont scrappé ça totalement avec un soundtrack de marde. C'est tellement décevant, donc je jouerai jamais à ça. C'est purement pour la collection, parce que j'ai les trois au NES, et puis c'est bien plus fun de jouer au NES que de jouer à ça, même si ça, les graphiques sont boostés et tout. C'est une catastrophe, c'est une déception. C'est un jeu qui est rendu à 140, mais ça l'a baissé, parce que il semble qu'on était plus dans les 200, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, ça sera vérifié. Ça peut voir, 2 sales pour un Wii. 180 ici, 170, ouais, c'est ça, la courbe est bizarre. Les chiffres sont bizarres sur Price Charting le matin. Donc, définitivement un jeu qui est plus à 200$, là, donc, mais bon, collection Super NES, tablette, fierté, tout, ça prend ça. L'autre jeu est un jeu qui vaut cher, mais qui est vraiment bon, que j'ai découvert sur le tard. Ninja Warriors. J'avais fait un game chasing une fois dans un marché aux puces de Thetford à l'Equinox, où est-ce que j'avais ramassé plein d'affaires, un de mes plus beaux chasing à vie. Et puis c'est sur Facebook, vous pouvez aller voir. Pas sur Facebook, sur dans mon YouTube. Et puis j'avais ramassé ça, sachant que c'était un beat'em up qui valait la peine pour avoir déjà vu du artwork, mais j'avais jamais joué. Puis man, ça c'est bon là. Ça c'est un, y a un jeu d'arcade qui est Ninja Warriors, qui est vraiment laid. Puis ils ont fait une version console qui est complètement autre chose. Puis c'est vraiment bon. C'est 2D, juste comme un palier, là, carrément. T'as le choix entre trois personnages qui sont très différents. Il y a beaucoup de moves. C'est techno. c'est hot, là. Tu sais, c'est de la grosse qualité, ce jeu-là. Puis ils l'ont refait dernièrement, Ninja Saviors Return of the Warriors sur Switch, qui est dans le fond, ils ont repris ce jeu-là, puis ils l'ont refait, ils l'ont boosté, l'écran est plus large, on voit plus, ils ont rajouté des personnages qu'on débloque en finissant le jeu. Man, ça vaut la peine. C'est un excellent jeu d'action, d'arcade. Et puis, celui-là, il joue pas à deux, en co-op. Très malheureux, très, très, très malheureux. Mais le remake sur Switch, oui, il y a vraiment du fun à avoir avec ça. Faut que vous aimez le style. C'est un beat'em up, un puissant beat'em up 2D, où est-ce qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de part. T'as tous tes moves en partant, puis tu fais le jeu. Mais moi, ça me convient. Les trolls, tout ça, les personnages sont tellement différents les uns des autres. C'est trois univers différents à découvrir. C'est vraiment bon, ce jeu-là. Je l'ai complet en boîte, j'ai payé cher. Ben, j'ai payé le prix du marché, là. Je l'ai complet en boîte, j'ai payé le prix du marché, ce carton-là. Et puis, le jeu Loss, il vaut 150. Complet en boîte, il vaut 580, donc sûrement 600. C'est du carton de haute qualité, qui est en excellent état, que j'ai dans ma collection. Je suis très fier d'avoir cet item-là complet. Vraiment, là, ça, c'est vraiment bon. Et le dernier pour aujourd'hui, ça termine les N. Il s'agit d'un jeu fort intéressant, Nosferatu. J'ai acheté ce jeu-là d'un ami qui s'est débarrassé de son Super NES pas mal. Et puis, il me l'a fait pas cher parce que, comme vous voyez, il y a une imperfection sur le label. Ici, il y a une petite déchirure. Donc, Nosferatu, c'est pas comme un Castlevania, c'est comme un Prince of Persia, en fait. Et puis, ce qui est drôle, c'est que, en tout cas, j'ai joué comme une ou deux heures. C'est deep, là. Il y a beaucoup de viande là, sur l'os de ce jeu-là. Et puis, c'est vraiment bien, c'est vraiment plaisant. Les mécaniques sont cool et tout. C'est un très bon Prince of Persia-like dans l'univers d'un château de vampires. Moi, c'est drôle parce que tu punches les chauves-souris ou tu punches les méchants à grands coups de poing dans la face. J'ai hâte de me rendre à Dracula afin de pouvoir... crie ça à voler de sa vie, un grand coup de poing et un grand coup de pied dans la face. Je trouve ça très drôle. Donc, ça va nécessiter un upgrade éventuellement. Ça va venir, ça va me passer entre les mains à un moment donné. C'est un jeu qui a une certaine valeur. Hein? Ça vaut 140$. Donc, c'est un bon jeu. Si vous aimez le style là, de Prince of Persia classique, là, définitivement, ce jeu-là est pour vous. C'est très bien fait puis il y a beaucoup de stock. Donc, très cool. Ah! Gros épisode! On s'est rendu à N. On a les O après ça. Puis bon, on a fait certainement la moitié de ma collection. Donc ça va bien. Prochain épisode, je sais pas si je vais faire ça. Je vais sûrement avoir des choses à dire. Autre, parce que je joue beaucoup ces temps-ci. Puis je veux parler de la relance de mes entreprises et tout. Mais j'ai beaucoup d'acquisitions présentement qui sont rentrées. Et puis là, je sais pas, je vais mettre ça dans le prochain épisode ou avec le gros NES qui est rentré aussi, je vais faire de quoi de spécial, je sais pas. Je vais voir à ça. J'attends toujours mon gros colis Game Boy qui part des États-Unis. C'est long la poste, là, présentement, j'attends plein d'affaires. Donc, c'est très excitant tout ça. J'ai beaucoup de jeux à processer, beaucoup de jeux qui vont être à revendre là-dedans personnellement. Donc, ben de l'excitation. Donc, voilà. Mais, comme toujours, je vous dis de suivre ma page Facebook. Je suis très actif là-dessus, ou pas mal en tout cas. Et c'est là que je publie toute ma vie de gamer. Alors, suivez ça. Et puis, voilà. Ah, je vais aller me reposer la voix. Merci d'avoir été là. À très bientôt.